papy. Il reste une place dans le peu rare, une place honnête représentée par des vrais gars. Sache que moi le refrain, on est des bons. Te demande pas pourquoi, c'est juste un don. On fait du son lourd avec des textes sensés. Appelle-nous les troubadours du rap français. Dans le milieu faut qu'on s'impose, car on est là pour la bonne cause. T'entendras jamais un rappeur te dire qu'il est honnête, qu'il se bat pour défendre la planète. Hey. Je veux pas être un exemple, juste faire kiffer l'auditeur. Hey, je vais parler avec mon cœur. Hey. Remix. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. Jibi fixi dans les boîtes. J'aime pas les marques ni les condés. Bah je me démarque par mon casier. Je parle pas de mon vol à la roulotte s'il te plaît. Starkey Hutch m'ont déjà menotté. Le rap est pour tout le monde, les jaloux te diront le contraire. On se tape avec des fronts, alors appelle-nous les mousquetaires. Hey.